ma vie dans un espace qui est fractionné du vôtre. À qui la faute, à qui les torts, à qui les morts, à qui les portes s'ouvre, sûrement pas au nôtre. Sachez que je vous déteste tous. Je montrais déjà le doigt quand ces connards jouaient à pouce. J'ai pas reçu assez d'amour, mais je veux pas dire que j'en souffre. Pourquoi me voiler autant la face? Pourquoi je veux être dans le top si je fais jamais aucun effort? C'est simple, mais je me dois de savoir qu'aucun homme ne n'est fort. Pour l'instant, j'ignore mes problèmes, je suis sur un nénuphar. Fuck, en ce moment, je veux faire ma vie sous le soleil noir. No fuck ce moment. Quand je suis comme ça, y'a pas de hello, pas de cobalt. Mais surtout, y'a pas de bleu, pas de rival, mais surtout, y'a pas de feu. Et puis, je récupère mon cœur noir, je redeviens froid comme un bizarre. Mais fuck, vivre comme vous, moi, je préfère vivre bizarre. Et c'est comme ça que je vis ma vie sous le soleil noir. Dans cet espace restreint où il n'y a pas d'espoir. Mes ressentiments peuvent se lire dans mon regard. Et c'est comme ça que je vis ma vie sous le soleil noir. J'ai une haine immense que je cache derrière mon visage. Ma vie une illusion et mon bonheur un mirage. Personne ne m'a appris comment évacuer toute cette rage. Je vais devoir la subir jusqu'à ce qu'un jour elle s'en aille. J'ai perdu ma vie quand j'ai arrêté de m'en inquiéter. Mon bonheur, je sais déjà avec qui exactement je peux le trouver. Le réel problème est que je n'ai pas la volonté d'aller le chercher. Et au final, je n'ai que pour ça envie que tout cela soit terminé.